rencontré Aïda dans le restaurant de sa mère. Mais quand Aïda te regarde, c'est pas possible. Ah, quelle beauté! J'essaie de la parler comme ça, mais devant ta mère, je ne peux rien. Tu vois pas comment je palpite les mots. Ah, Aïda, dis-moi quelque chose. Ce que je veux faire, c'est vraiment, il faut que je t'épouse, Aïda. Il faut que tu restes à mes côtés durant toute ma vie. Je vais t'amener partout. Dans toute l'Afrique, on va tourner. Si moi je chante, toi tu es à côté de moi. Ah, Aïda. Aïda, oh, tu es belle. Tu ne comprends pas que tu es belle. Maman, moi j'adorais. Ah maman, moi je t'aimais. Dis-moi la vérité, Aïda, oh. Si vraiment tu m'aimes, oh. Dis-moi la vérité, Aïda, oh. Si vraiment je te plais. Dis-moi la vérité, oh. Dis-moi la vérité. Aïda, Aïda. Aïda, Aïda. Hey, Aïda. Comment ça? Appeler mon beau-frère. So, allô, so, est-ce que tu m'entends là-bas à Conakry? Viens vite me sauver dans cette situation d'Aïda. Moi j'aime Aïda, je vais épouser Aïda. Je l'aime, je suis fou d'elle. Comment Aïda? Hey! Ah! Mais moi je cherche Aïda partout, partout. Il y a quelqu'un qui m'a dit Montréal. Moi j'ai passé à Montréal, j'ai demandé à Touré. Touré, mais où est passé Aïda? Aïda, elle n'est pas là. Aïda est partie à New York. Mais moi je ne peux pas payer billet pour arriver à New York. Moi je connais pas anglais. Moi je connais seulement Bambara. Mais Aïda, toi tu peux me prendre anglais vite vite pour chercher toi à New York. Aïda, Aïda, vraiment, c'est pas vrai ça. Moi je suis passé à Montréal, à Palatou, je cherchais, je demandais à Bouga Sanogo. Eh, tu n'as pas vu Aïda. Bouga Sanogo me dit, je n'ai pas vu Aïda. Aïda, elle est venue te dire que tu es un peu. Quand tu es un peu, tu es un peu. Tu es un peu. Tu es un peu. Tu es un peu. Tu es un. Mais Eba Yepo, Yamu Besu, Eba Yepo, Yamu Besu,